إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication du livre du Cheikh Cheikh Saleh Al-Fawzan. Il explique la aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Aujourd'hui on est au cours numéro 12. Aujourd'hui c'est le cours numéro 12. Et le cheikh il commence à parler d'autres aspects de ce qui va arriver après la mort également au jour de la résurrection. Le cheikh il dit وَأُؤْمِنُ بِحَوْدِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِعَرْصَةِ الْقِيَامَةِ مَاؤُهُ أَشَدُّ ضَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَآنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شُرْبَةً لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا بَعْدَهَا أَبَدًا وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il nous explique un autre aspect de la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah qui est sa aqida. Il dit je crois en le bassin ou la fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aura au jour de la résurrection sur le lieu où les gens seront rassemblés, Arasat al-Qiyama, sur la plaine ou sur la place où les gens seront rassemblés au jour de la résurrection. Son eau ou son breuvage, il est plus blanc que le lait et il est plus sucré que le miel et les contenants pour boire avec sont plus nombreux que le nombre des étoiles dans le ciel. Et celui qui en boit une seule gorgée, il n'aura plus jamais soif. Ok? Et il dit, et je crois également au pont qui va être placé au-dessus de l'enfer, au-dessus du gouffre de l'enfer, et tous les gens vont passer par-dessus selon le niveau de leurs actions. Selon le niveau de leurs actions. Donc le chef explique ça. Il dit, وَكَذَلِكَ شَيْخ فَوْزَان, il dit, وَكَذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو حوض طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأنيته عدد نجوم السماء من شرب منه من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا ترد أمته عليه الحوض فيسقيهم صلى الله عليه وسلم ترد أمته عليه الحوض فيسقيهم صلى الله عليه وسلم ويرد عليه أناس فيمنعون فيقول يا رب أصحابي فيقال له لا تدري ما أحدث بعدك يعني يمنعون فيمنعون والعياذ بالله من الورود إلى الحوض وهم الذين يحدثون في الدين ويبتدعون في الدين ويمنعون من ورود الحوض. Donc le cheikh il explique premièrement que également parmi les choses qui vont se produire au jour de la résurrection, le jour dernier, c'est que il y aura un bassin ou une fontaine dans lequel il y aura un breuvage qui coule et c'est le bassin ou la fontaine qui est spécialement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça a été rapporté également que chaque prophète ont leur propre haud à eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui il a donc le sien pour sa umma à lui. Ok, ils ont leur propre fontaine à eux, chaque prophète, ils ont pour leur umma. C'est un bassin là, un grand bassin, et dans ce bassin là il y a un liquide pour boire. Et le liquide qui est dedans, c'est plus blanc que le lait, comme le cheikh a dit, c'est plus blanc que le lait, et c'est plus sucré, plus doux que le miel. Et la longueur et la largeur, la longueur c'est un mois de marche, une distance de un mois, et la largeur c'est une distance de un mois. Donc dans les deux sens c'est un mois, c'est-à-dire c'est très très large, hein, c'est immense ce bassin. Et le nombre des coupes ou des trucs qu'on utilise pour boire dedans, c'est plus nombreux que le nombre des étoiles dans le ciel. Celui qui en boit une seule gorgée, il n'aura plus jamais soif. Et les gens de la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vont être présentés pour arriver au bassin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur donner à boire dans ce bassin-là. Et il y a des gens qui vont venir pour demander à boire, et on va les repousser. Ils vont être repoussés à l'écart. Et quand ils vont dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Allah, « Oh mon Seigneur, ce sont mes compagnons, ou ce sont des musulmans », et eux, ils vont répondre, « Tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé ou ce qu'ils ont innové après toi. » Et donc, eux, ils vont être mis à l'écart. Et on va les empêcher de boire de ce bassin-là. Donc, ça c'est ceux qui ont innové, qui ont amené des innovations dans la religion. Ceux-là ne vont pas être permis de boire de ce breuvage, de cette boisson. Et le cheikh il dit, « Wa qawluhu bi arsati al-qiyama, al-arsa ya'ni hiya al-makan al-wasi' wa mimma yakunu fi yawm al-qiyama al-hisab. يحاسب الله جل وعلا الخلائق يوم القيامة فالكافر يحاسب حساب تقرير ليس حساب موازنة بل الحسنات ولا حساب موازنة بين الحسنات والسيئات لأنه ليس له حسنات وإنما يقرر بأعماله الكفرية أما المؤمنون فيحاسبون على أعمالهم لأنه لهم حسنات ولهم سيئات ومنهم من لا يحاسب ويدخل الجنة بغير حساب كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض يعني فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ومنهم من يناقش الحساب ويحاسب حسابا مناقشة. Donc le cheikh il dit que le mot arasat al-qiyama, al-arasat c'est un endroit qui est très vaste, qui est très large, et il explique par la suite qu'au jour de la résurrection il y a un hisab. Al-hisab c'est les comptes, ok? Donc là ça y est, il y a un jour, au jour de la résurrection il y a les comptes. Chaque personne doit payer ses comptes. Chaque personne doit être jugée. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger la création au jour de la résurrection, il va juger chaque être humain. Et les djinns, et il va juger les créatures. Et le kafir, il va être questionné au jour de la résurrection, on va lui faire des comptes, mais c'est juste pour le faire témoigner ou admettre ses péchés. C'est parce que lui, il n'a pas de hasana. Donc il n'y aura pas la balance entre les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. On ne va pas comparer les bonnes œuvres qu'ils ont fait et le mal qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas de hasanat. Pourquoi ils n'ont pas de hasanat? Parce que du moment que le mouchrik ou le kafir fait des bonnes œuvres, ces bonnes œuvres sont transformées en poussière. Et donc elles n'ont plus de valeur au jour de la résurrection. D'accord? Donc comme on avait expliqué la semaine passée par rapport aux balances, que les gens vont mettre leurs actions dans la balance, si la balance est plus lourde, des bonnes actions est plus lourde, alors s'il a fait des bonnes actions, c'est plus lourd que les mauvaises, alors dans ce cas-là, il sera heureux et il va réussir son jugement, mais s'il a plus de mauvaises œuvres, et dans ce cas-là, il va être malheureux. Hein. Il y a un hadith aussi qui rapporte, il y a une parole qui rapporte qu'au jour de la résurrection, on va amener une personne qui est très grosse et très grande, hein, et puis on va le mettre dans la balance et il ne va même pas peser, il ne va même pas peser l'aile, oui c'est ça, l'aile d'une moustique ou quelque chose de très très léger. Donc ça veut dire le poids de dans la balance au jour de la résurrection, c'est une balance spéciale hein, qui pèse les actions et qui pèse les personnes, mais selon leur foi, selon leur iman, d'accord. C'est pas selon la grosseur. Et un des exemples de ça, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Il était monté dans un arbre et les sahaba se moquaient de la minceur de ses jambes. Hein, ils trouvaient qu'il avait des jambes qui étaient très très maigres. Hein, donc ils se moquaient de lui à cause de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, atajabuna min diqati saqihi, quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes étonné à cause de la minceur de ses jambes? Vous voyez qu'il est maigre. Hein, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, ils sont plus lourds dans la balance que, yani, je ne me rappelle plus s'il a dit la montagne de Uhud ou quelque chose comme ça, mais en voulant dire que dans la balance, elles sont très lourdes, ces jambes. Même si dans la dunya, vous le voyez qu'il est tout maigre et qu'il est léger, eh ben, celui qui est gros et qui est très gras, très lourd, lui, dans la balance, on va le mettre, et puis il va être léger. Et c'est comme ça que les salafs ont expliqué dans le tafsir de Ibn Kathir, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا dans surat al-Kahf. On va leur donner aucun poids au jour de la résurrection. Mais en ce qui concerne la question de pour la balance, j'ai pas trouvé de référence claire qui montrait que on va peser les actions des coupables au jour de la résurrection. Et qu'est-ce qui est apparent dans les paroles du chef ici, c'est qu'il n'y aura pas de balance pour les actions des coupables. On va juste leur demander de témoigner ou de dire est-ce que tu as fait ça, oui ou non, c'est tout. Parce qu'ils ont ils sont coupables, ils sont des mouchriquins, ils n'ont pas la foi, donc c'est sûr qu'ils sont perdus d'avance, d'accord. Après le chef, il dit tandis que les croyants, eux, on va les questionner, et on va les juger, on va prendre leur compte par rapport à leurs bonnes actions et leurs mauvaises actions, et ils vont être questionnés et ils vont être jugés sur leur sur qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais il y a des différences de jugement, il y a des différences de compte. Il y en a qui vont être pris pour compte de façon facile, qui sont très faciles, c'est-à-dire de façon très simple, facile. On va pas leur faire un questionnement très très. C'est ça, ils vont pas avoir un jugement qui est très détaillé. Ils vont être jugés comme ça, juste passer par-dessus leur qu'est-ce qu'ils ont fait et c'est tout. Mais il y en a d'autres qui vont disputer leur jugement, et ceux-là, ils vont avoir un jugement plus difficile, ok. Et ceux qui vont essayer de contester ou quoi que ce soit, eux, ils vont avoir un jugement plus détaillé, hein. Tandis que celui qui admet, qui dit oui, c'est vrai, j'ai fait ça, eh ben, eux, ils vont passer sur, Allah va passer sur ça. Mais ceux qui vont dire non, j'ai pas fait ça, Et bien là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire parler les mains, parler la peau, parler les yeux, hein, et il va faire témoigner tous les témoins pour montrer que qu'est-ce qu'il a fait, c'était vraiment ça. Et il y aura ceux qui vont rentrer sans châtiment, sans jugement et sans châtiment. C'est ceux qui sont parmi les 70 000 qui vont rentrer au paradis sans hisab, sans compte et sans châtiment. Et il y en a d'autres qui auront, comme on a dit, un compte facile, comme dans le verset 8 et 9 dans Surat al-Inshiqaq, dans Sawfa yuhasabu hisaban yasira, et il y en a d'autres qui vont avoir un châtiment plus dur. C'est à ceux qu'on va disputer le châtiment. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari, il y a un hadith qui rapporte ça dans Sahih Al-Bukhari. Après, il dit, وقال رحمه الله وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. بعد هذه الأهوال كلها وبعد هذه الأهوال كلها هناك الصراط منصوب على متن جهنم، والصراط هو الطريق، وهو ما يسمى بالقنطرة على متن جهنم، أي على وسط جهنم. يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط، وهو أدق من الشعر وأحط من السيف وأحر من الجمر. يمر الناس عليه بقدر على قدر أعمالهم، تجري بهم أعمالهم فوق الصراط. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحذف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في القرآن. الشيخ دونك يلزي ici يلزي que رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب يلزي que il y a également un pont qui va être établi sur l'enfer, sur le gouffre de l'enfer, et les gens vont passer dessus selon les actions qu'ils ont fait. Ça fait partie des choses qui sont effrayantes au jour de la résurrection. Les gens qui vont passer sur le pont de l'enfer. Sirat, ça peut vouloir dire un chemin, mais dans le sens que on en parle ici, on parle d'un pont qui va être établi sur l'enfer. Mais ce pont-là, c'est pas comme aucun pont qu'on peut imaginer dans cette vie. C'est un pont qui est plus mince qu'un fil. Comme le cheikh il dit, أدق من الشعر وأحد من السيف. C'est-à-dire, il est plus mince qu'un cheveu et il est plus effilé qu'un épée. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est un pont comme on n'en a jamais vu. Et il est plus chaud Al-Jamr, c'est un charbon qui brûle. Il est plus chaud qu'un charbon qui brûle. Les gens vont passer dessus selon leurs actions, et il est placé au-dessus de l'enfer. Donc tout le monde va passer par-dessus. Peu importe qu'il soit au paradis ou en enfer, tout le monde va passer par-dessus ce pont-là, au-dessus de l'enfer. Et il y en a qui vont passer comme l'éclair. Parce que ils ont fait des actions et ils n'ont pas hésité dans l'obéissance d'Allah, ils ont fait le bien. Donc eux, ils rentrent comme un éclair. Il y en a d'autres qui vont passer comme un cheval de course. Il y en a d'autres qui vont passer comme un chameau, comme quelqu'un qui est sur un chameau. Il y en a qui vont courir, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont se traîner à quatre pattes sur le pont. Il y en a qui vont aller très, très lentement, puis il y en a qui vont tomber en dedans. C'est-à-dire, il y en a qui vont tomber en bas du pont. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Issa? Alhamdulillah. Barakallahu fik. Il y a des gens qui vont passer sur le pont et qui vont tomber en bas du pont, parce qu'il y aura des crochets qui vont passer de chaque côté parfois et qui vont accrocher des gens. Donc ça veut dire que chacun va passer selon les actions qu'il avait et la sincérité, ainsi de suite. Et également, il y en a qui vont tomber en enfer. Donc le cheikh il dit que ça c'est mentionné, il dit « وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ قَالَ تَعَلَى فَوَرَبُّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْشُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. الشيخ يقول كل الناس يردون جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فإذا تجاوزوا الصراط أوقفوا أوقفوا للقصاص ويقتصوا لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. Donc on va lire ces passages de ce verset, c'est le verset 71 et 72 dans Sourate Maryam, où on parle de ce passage dans qu'est-ce qui se passe après, après le jugement. Lorsque les gens passent sur le pont, et c'est dans le verset 71-72, ça dit en français, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas sur l'enfer. En fait, le cheikh, il a mentionné à partir du verset 68. Il a lu à partir du verset 68. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, il y a des gens comme ça qui n'avaient pas bien, qui ne comprenaient pas bien le verset qui dit « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer ». Et là, on parle pas de rentrer dans l'enfer, mais en fait, la sunna nous explique que c'est à dire de passer par-dessus l'enfer sur le pont. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a personne excepté qu'il va passer sur le pont au-dessus de l'enfer. C'est ça que ça signifie. Et, donc, une fois qu'ils ont passé le pont, ok, il y aura, comme le cheikh il a dit plus tôt, il y a qu'est-ce qu'on appelle Al-Qantara. Et Al-Qantara, c'est là où les gens vont être jugés. Mais c'est-à-dire pas jugés, mais c'est-à-dire que, parce qu'il y a déjà eu le jugement, mais il va y avoir un genre de qisas. Un genre de qisas. C'est-à-dire, ceux qui ont fait de l'injustice aux autres, ceux qui ont fait des choses les uns les autres, chacun va remettre à l'autre qu'est-ce qu'il mérite. Comme ça, les gens vont avoir le cœur purifié de tous les la rancune et la haine, la jalousie et les choses qu'ils pouvaient avoir dans leur cœur. Et par la suite, une fois que leur cœur a été purifié, qu'ils sont purifiés, et bien là, ils vont pouvoir rentrer tous au paradis. Ok? Ils vont tous pouvoir rentrer au paradis. Allahu a'lam si c'est avant ou après, mais qu'est-ce que le hadith que tu dis, c'est un hadith qui est vrai. Le hadith qui mentionne que il y a des gens, le prophète s'en a parlé de ceux qui sont, la personne qui est mouflis. Il y a une personne qui est mouflis, le prophète s'en a dit, le mouflis, si on le traduit littéralement, ça veut dire celui qui a fait faillite, hein, qui a plus un sou. Mais le prophète s'en a dit, le mouflis, pour de vrai, le vrai mouflis, c'est pas celui qui a plus un sou, qui a plus d'argent. Le vrai mouflis, c'est celui qui arrive au jugement dernier, ok, puis il a parlé dans le dos d'un tel, il a fait un tel péché, il a parlé dans le dos des gens, puis il arrive au jour. Oui, il a fait la salat, la kad, il a fait des bonnes œuvres, mais il a parlé contre lui, il a fait parlé dans le dos de lui, oui, et alors au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, et tous ceux contre qui il avait parlé dans leur dos, les gens vont venir prendre de ses hasanat. Wa alaykum salam. Les gens vont venir prendre de ses hasanat. Vous voyez? Wa alaykum salam. Hein? les hasanats qu'il a fait, les gens vont venir en prendre dedans. Et s'il a plus de hasanats, là, qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, les gens vont prendre de leurs péchés, de leurs seyyiat, et les enlever et les mettre dans sa balance, dans ses mauvaises actions à lui. Donc s'il a plus de bonnes œuvres, ils vont lui donner de leurs mauvaises actions pour diminuer de leurs propres mauvaises actions. Donc ça c'est le mouflis, le jugement dernier. Et le cheikh il dit ensuite wa aminu bi shafa'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa annahu awwal shafi'in wa awwal mushaffi' wa awwal mushaffi'. Oui, c'est ça. Donc il dit wa qawluhu wa aminu bi shafa'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aminu ma'na usaddiq wa a'taqid. Donc l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab dit je crois également en l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que c'est lui le premier intercesseur et c'est à lui qu'on va demander l'intercession en premier. Ok, et ça c'est dans la aqida de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, parce qu'il y a beaucoup de gens de bid'a, des soufiyin et d'autres qui l'ont accusé et qui ont dit qu'il niait la shafa'a et qu'il ne croyait pas en la shafa'a. Donc, la preuve que ces gens-là ont menti contre lui, le cheikh il dit lui-même, je crois en la shafa'a. Et là, le cheikh al-Fawzan, il explique. Il dit, wa qawluhu uminu bi shafa'ati nabi sallallahu alayhi wa sallam, uminu ma'nahu usaddiq wa a'taqidu husulu shafa'ati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa shafa'a ma'khudatun min ash-shafa'a, wa huwa ma kana aktharu min wahid, fal-wahid yuqalu lahu witr, والاثنان يقال لهما شفع وقال تعالى والشفع والوتر يعني فالشفع هو ما كان اكثر من فرط اما الوتر فهو الفرط وهذا في اللغه اما في الاصطلاح فالشفاعه يراد بها الوساطه للمحتاج في قضاء حاجته عند من يملكها لأن طالب الحاجة واحد فإذا انضم إليه واسطة صار شفعا بعد أن كان واحدا ولذلك سميت الشفاعة وبعضهم يقول الشفاعة وهي طلب الخير للغير. Donc le cheikh il dit je crois, c'est-à-dire je reconnais la véracité et j'ai la conviction qu'il y aura une intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens de la langue arabe, la shafa'a signifie ou vient du terme quand on dit que quelque chose est pair. Hein, quand quelque chose est pair, on dit qu'il est shafa'a en arabe. Et c'est-à-dire qu'il est plus que un. Et on dit que qu'est-ce qui est impair ou qu'est-ce qui est un, c'est al-witr. Ok? Et donc, qu'est-ce qui est deux, on dit shaf, et qu'est-ce qui est un, on dit witr. Et comme dans le verset, dans le surat al-Fajr, wa shaf et wa witr. Ok, c'est la même chose. Donc, ça c'est dans la langue arabe. Puis, dans la signification plutôt religieuse de ce terme, shafa'a, ça veut dire l'intercession. Ça veut dire un intermédiaire. Hein, quand tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à remplir ton besoin, tu demandes l'intercession de quelqu'un pour quelque chose. Donc au début tu étais tout seul, tu avais besoin de quelque chose et tu as demandé à quelqu'un de demander pour toi. Donc là tu viens de rajouter une autre personne à ta demande, donc ça devient père maintenant. Donc c'est pour ça que c'est là que ça vient chafard, avec le lien par rapport à la signification linguistique. Et c'est pour ça qu'on l'appelle shafa'a, c'est de demander à quelqu'un d'autre de nous aider pour un bien. Et il y a deux catégories de shafa'a, parce que il y a le shafa'a dans le sens de demander du bien, yani de demander du bien par rapport à auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la shafa'a de demander quelque chose de bien par rapport au créateur. On va voir la différence entre les deux. Le cheikh il dit « الشafa'atu ala qismain »« شafa'atu inda Allah »« وشafa'atu inda al-khalq »« وشafa'atu inda al-khalq »« تنقسم الى قسمين »« شafa'atu hasana »« وشafa'atu sayya » قال تعالى « من يشفع شafa'a hasana يكون له نصيب منها » ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وإذا كانت الشفاعة بتحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر في قضاء حاجة أخيك فتشفع لإخوانك في تحصيل مطالبهم المباحة ومصالحهم النافعة هذه شفاعة حسنة لأنها من التعاون على البر والتقوى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال وقد قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء فقوله اشفعوا تؤجروا فيه بيان أن الشفاعة الحسنة فيها أجر لما فيها من النفع للمحتاجين donc le cheikh il explique que premièrement il y a deux catégories de shafa'a dans le sens général c'est-à-dire il y a une shafa'a que quand tu demandes l'intercession pour Allah subhanahu wa ta'ala à Allah subhanahu wa ta'ala si tu passes par quelqu'un pour demander l'intercession à Allah si tu passes par quelqu'un pour que quelqu'un demande à Allah pour toi quelque chose hein, tu demandes à quelqu'un de faire un dua pour toi ça c'est une catégorie de shafa'a maintenant il y a une autre catégorie de shafa'a c'est quand tu demandes à quelqu'un de demander à une autre personne parmi les créatures, parmi les êtres humains de te donner quelque chose dans la dunya hein? Comme par exemple tu veux que quelqu'un t'aide pour avoir un poste ou que quelqu'un t'aide pour régler un problème donc le cheikh il dit que les catégories de shafa'a entre les êtres humains, entre les créatures ça c'est de deux catégories. Il y en a une bonne et une mauvaise. Okay? Il y a une bonne intercession puis une mauvaise intercession. La bonne intercession, c'est si tu demandes que quelqu'un intercède pour toi pour quelque chose de bien, qui est halal, et la mauvaise, c'est si tu demandes que quelqu'un intercède pour toi pour quelque chose de haram. Okay? Dans ce cas-là, ça devient haram. Et donc, le cheikh, il explique ça, il mentionne le verset 85 dans Surat An-Nisa. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Celui qui intercède une bonne intercession, il aura une partie de cette intercession-là. » C'est-à-dire qu'il va avoir une partie de la récompense. Hein? Si toi, tu intercèdes pour quelqu'un, pour l'aider dans quelque chose de la dunya, il te demande, par exemple, « Est-ce que tu peux m'aider pour, par exemple, avoir tel papier, ou avoir tel travail ?» ou telle autre chose, c'est le meilleur exemple qu'on peut trouver dans ce pays par rapport au travail, ou par rapport aux études, par rapport à autre chose. Hein. Tu dis, écoute, j'ai un problème, est-ce que tu peux demander à telle personne, toi tu le connais, c'est le patron, demande-lui de m'aider. Hein. Donc, si c'est pour quelque chose de bien, alhamdoulilah, si c'est pour quelque chose de mal, dans ce cas-là, c'est une mauvaise intercession, puis on va donner des exemples de ça tout à l'heure. Et le verset 85 dit par la suite, et quiconque fait une demande une mauvaise intercession, dans ce cas-là, il aura une partie du péché. Hein. Et ensuite, il dit donc, si la shafa'a c'est pour arriver à quelque chose qui est permis dans l'islam, ou quelque chose qui est bon dans l'islam, dans ce cas-là, tu utilises ton statut et ta position pour demander aux dirigeants, au président quelque chose pour ton frère, eh ben dans ce cas-là, tu demandes quelque chose de bien, donc ça c'est quelque chose de bien. Hein. Comme on dit ici, des connexions, quand tu as des bonnes connexions, donc quelqu'un vient te voir et te dit, écoute, tu ne peux pas utiliser tes bonnes connexions que tu connais pour faciliter telle affaire pour moi. Donc ça c'est des exemples, ok? Quand tu as des connexions, tu as des plugs, comme on dit au Québec. Et puis, مطالبهم المباح donc c'est ça si tu fais ça tu vas avoir une récompense pour le fait que tu as fait ça et ça fait partie de s'encourager et de s'aider dans le bien et dans la piété comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça c'est rapporté par Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu qui dit wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhi c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va aider le serviteur tant que le serviteur aide à ses frères ou aide à son frère. Et il mentionne également un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Abu Musa qui dit « Intercédez et vous allez être récompensés. » Et Allah décrète par la langue de son messager ce qu'il veut. Et donc « Ishfa'ut isharu » ça montre que quelqu'un qui fait une bonne intention, une bonne intercession, il aura une bonne récompense parce qu'il fait du bien pour les gens. أما الشفاعة السيئة فهي الشفاعة في أمر محرم كأن تشفع في إسقاط حد من حدود الله لمن وجب عليه أن لا يقام عليه الحد فهذه شفاعة محرمة وملعون من قام بها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا بلغت الحدود السلطان أوكي فلعن الله الشافع والمشفع أبغيزي ولما أراد أسامة بن زيد أن يشفع في امرأة وجب عليها دونك للشيخ الذي وجب عليها حد السرقة وشق ذلك على قومها فطلبوا من أسامة أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي عدم قطع يدها فشفع أسامة وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب عليه غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإما الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها وفي الحديث لعن الله من آوى محدثا آوى يعني حماه من إقامة الحكم الشرعي عليه فالشفاعة السيئة هي ما كانت في شيء محرم Donc le cheikh il donne un exemple d'une mauvaise intercession, c'est quand quelqu'un par exemple il intercède pour quelque chose qui est haram, comme par exemple le fait d'intercéder pour faire enlever à quelqu'un une punition parmi les peines qui ont été établies par Allah subhanahu wa ta'ala dans la religion, pour quelqu'un pour qui c'est devenu obligatoire de lui appliquer cette peine, tu viens toi puis tu dis au juge ou à celui qui doit appliquer la peine, il faut arrêter, il faut pas appliquer cette peine-là sur cette personne. Et tu veux essayer de faire stopper l'application de la peine. Ça, c'est une intercession qui est haram. Et puis la personne qui fait cette intercession-là, elle est maudite. Elle est maudite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une fois que la punition est arrivée, au sultan, c'est-à-dire au dirigeant, alors que Allah maudit l'intercesseur et la personne pour qui on fait l'intercession, ou la personne qui demande l'intercession. Et il mentionne que c'est rapporté par Ad-Darqutni et Al-Tabarani selon Al-Zubayr ibn al-Awam. Et il dit de regarder dans Fath al-Bari, dans les notes de bas de page, il écrit regardez Fath al-Bari. Le volume 12, la page 87 et 88. Donc, ensuite, le chef, il dit que c'est arrivé une fois, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Usama ibn Zayd, le fils de Zayd, il a voulu intercéder auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire stopper une peine qui devait être appliquée sur une femme qui avait volé. On devait lui couper la main. Et les gens de cette tribu, trouvait dur le fait qu'on applique cette peine-là sur cette femme parce que c'était une femme noble. Alors les gens voulaient faire stopper l'application de cette peine. Et ils ont demandé à Usama, radiyallahu anhu, d'aller demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas couper sa main. Et donc Usama ibn Zayd est allé pour parler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis en colère, d'une colère vraiment sévère, vraiment dure, et il a dit, est-ce que tu veux intercéder dans une des peines, parmi les peines que Allah a prescrites, les gens qui étaient avant vous ont péri uniquement parce qu'ils faisaient ça. C'est-à-dire quand il y avait un noble, quelqu'un de puissant qui volait parmi eux, ils le laissaient. Et lorsque quelqu'un de faible volait, ils établissaient sur lui la peine. Il a dit, par Allah, je jure que même si ma propre fille, Fatima, la fille de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait volé, je lui aurais coupé la main. Et dans le hadith, il y a un autre hadith également, ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha, radiallahu anha. Mais il y a un autre hadith aussi qui est rapporté par, par Muslim, selon Ali ibn Abi Talib, qui mentionne que la personne qui protège un criminel ou qui essaie de stopper la punition sur lui, eh bien, il est maudit par Allah. La'ana Allahu man awa muhtifan. Et le cheikh, il mentionne que ça implique celui qui veut le protéger dans le sens qu'il empêche l'application de la peine sur lui, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il le protège dans le sens qu'il empêche aux gens de qu'il soit puni ou de le faire attraper ou tout ce qui a rapport avec le fait que ce criminel-là soit pas puni. Donc, quiconque le protège, il a été maudit par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith. Et فَالشَّفَاعَةُ السَّيِّئَةُ هِيَ مَا كَانَتْ فِي شَيْءٍ مُحَرَّمٍ. Donc, la mauvaise intercession, c'est quand elle est faite pour quelque chose de haram. أَمَّا الشَّفَاعَةُ عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى فَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي الْقُرْآنِ وَفِي السُّنَّةِ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُكْرِمُ بَعْضَ عِبَادِهِ بِأَنْ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِمَا يُخَلِّصُهُ مِنَ الْعِقَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تكريما للشافع ورحمة بالمشفوع فهذه هي الشفاعة عند الله وهي أن يأذن الله جل وعلا لبعض أوليائه في أن يدعو الله بأن يتجاوز عمن استوجب العقوبة ويعفو عنه وهذه ثابتة في القرآن ولكن بشرطين الشرط الأول أن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا ويأذن الله بها فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه بخلاف المخلوقين فقد يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا وبل ربما يكرهون ذلك أما الله جل وعلا فإنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه عنده فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان ولكن عنده ما يوجب عليه العذاب لكبيرة من كبائر الذنوب ارتكبها فهو من أهل الإيمان من أصحاب الجرائم التي دون الشرك وأما المشرك فإن الله لا يرضى أن يشفع فيه ولا تقبل فيه شفاعة قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى ولا يشفعون يعني الملائكة إلا لمن ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن أما الكافر فإن الله لا يرتضيه فلا تنفعه الشفاعة قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Donc, le cheikh explique que, en ce qui concerne l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est confirmé par le Coran et dans la Sunna également, et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va donner l'honneur à certains de ses serviteurs d'invoquer leurs frères pour qu'est-ce qui va faire en sorte de faire diminuer leur châtiment au jour de la résurrection. Donc, c'est-à-dire d'invoquer pour leurs frères. Il y a des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont pouvoir demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour leur faire de diminuer leur châtiment au jour de la résurrection. Et ça, c'est un honneur que Allah va faire pour la personne qui vient pour intercéder. Et c'est une miséricorde pour la personne pour qui on intercède. Cette shafa'a, cette intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est l'intercession qui va arriver au jour de la résurrection pour les mu'minines elle consiste à quoi? Elle consiste à ce que Allah subhanahu wa ta'ala permette à certains de ses rapprochés, de ses serviteurs rapprochés, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala passe par-dessus certains de ceux qui ont mérité un châtiment, pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur soit compatissant et pour qu'ils leur pardonne ou les épargne de la punition. Et ça, c'est confirmé dans le Coran. Toutefois, il y a deux conditions à respecter pour que l'intercession soit valable et acceptée. La première condition, c'est qu'elle soit demandée à Allah subhanahu wa ta'ala directement et que Allah permette cette intercession-là. Donc personne ne peut intercéder auprès d'Allah excepté, excepté avec sa permission, contrairement aux créatures. Une créature, tu peux aller lui demander d'intercéder, hein, tu peux lui demander d'intercéder, ou quelqu'un peut intercéder directement à quelqu'un sans que cette personne-là soit nécessairement donné la permission qu'on lui demande. Et peut-être que même une fois qu'ils ont intercédé, même si des fois ils n'aiment pas ça, mais ils le font quand même, tu vois. فإنه لا يشفع عند أحد إلا به. En ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Personne ne peut demander l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala excepté par sa permission. C'est-à-dire que quelqu'un ne pourra pas accéder à la demande de l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala excepté si Allah lui a permis de demander cette intercession-là. Et deuxièmement, il faut que l'intercession soit en faveur de quelqu'un qui fait partie des gens de la foi. Voilà, Akin. Donc, c'est pour les gens de la foi. L'intercession, c'est pour les croyants. Ceux parmi les croyants qui ont fait des grands péchés, qui ont fait des kaba'ir, et qui méritent un châtiment pour le péché qu'ils ont fait. Ceux-là, ils font partie des croyants. Ce sont des musulmans. Mais ils ont fait des crimes, ils ont fait des péchés qui sont moins grands que le shirk, c'est-à-dire ils sont en dessous du niveau de shirk, qu'est-ce qu'on appelle shirk. Donc eux, ils ont droit à l'intercession, on peut demander pour eux l'intercession au jour de la résurrection. Toutefois le mushrik, celui qui est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas et n'agrée pas de lui qu'on intercède en sa faveur. Et cette intercession-là qui est faite pour lui ne sera jamais acceptée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 18 dans surat Ghafir, il n'y a pas d'amis chaleureux ni d'intercesseurs qui sera au pays pour les injustes au jour de la résurrection. Et voilà, yashfa'un, yani les anges ne vont pas intercéder, excepté pour ceux qui ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, ceux dont Allah a agréé les paroles et les actions. Et ça, c'est le croyant. Tandis que le kafir, le non-croyant, le mécréant, lui, Allah n'accepte pas et n'agrée pas ce qu'il fait et ce qu'il dit, et donc l'intercession à sa faveur n'aura aucune utilité et ne sera pas bénéfique. Et Allah, il dit dans le verset 48, dans surat Al-Muddathir, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ. L'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucun profit, d'aucun bienfait. D'accord? Et il dit, le cheikh par la suite, إِذَا تَوَفَّرَ الشَّرْطَانِ أَذِنَ اللَّهُ لِلشَّافِعِ أَنْ يَشْفَعَ ورضاه عن المشفوع أذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه فالشفاعة حق وإذا اختل شرط فهي شفاعة مردودة. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الشرط الأول. ويرضى يعني هذا الشرط الثاني. فهذه هي الشفاعة تجوز بشرطين. فإذا توفر الشرطان فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلا. وإذا اختل شرط فهي مردودة ولا تقبل. Donc le cheikh il explique ici que si les deux conditions qu'on a mentionnées sont respectées, Allah a accepté, a donné la permission à la personne qui vient pour intercéder d'intercéder, et il a été satisfait de la personne pour qui on intercède, alors dans ce cas-là, l'intercession, elle est vérité, elle est vraie. Mais si une des deux conditions n'est pas respectée, alors c'est une intercession qui sera rejetée. Okay? Et il mentionne le verset 26 dans Surat An-Najm qui dit « Et combien d'anges dans les cieux ?» Leur intercession ne sera d'aucune utilité, excepté pour celui à qui Allah a donné la permission et pour qui il a voulu. وَيَرْضَى إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَى. Donc ça c'est la première condition, celui pour qui Allah a voulu et il a donné la permission. وَيَرْضَى, ça c'est la deuxième condition, c'est-à-dire il a agréé cette personne-là. Donc ça c'est la deuxième condition. Donc ça c'est l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est permis avec deux conditions. Si ces deux conditions-là sont acceptées, sont présentes, elle est acceptée cette intercession, et elle sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais s'il y a une des deux qui manque, elle sera rejetée. والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام طرفان ووسط. الطرف الأول الذي نفوا الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة وقالوا إن من استوجب النار لا بد أن يدخلها بناء عندهم على أنه لا يستوجب النار إلا كافر. أوكي؟ لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر من هذه الأمة فيقولون لا تنفعهم الشفاعة، فمن استوجب النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. هذا مذهبهم، فينفون الشفاعة التي ثبتت وتواترت بها الأدلة. Donc le cheikh explique maintenant que au sujet de l'intercession, les musulmans se sont divisés en trois groupes. Les gens qui se disent musulmans. Parmi les musulmans, il y en a qui sont divisés en trois positions à ce sujet-là. Deux groupes extrémistes qui ont dévié et un groupe au juste milieu. Okay? Le premier groupe, c'est un groupe extrémiste, c'est les Khawarij et les Mu'tazila. Eux, ils ont dit qu'il n'y a pas d'intercession. Il n'y en a pas pour personne. C'est-à-dire, pour les gens qui ont fait des grands péchés, il n'y a pas d'intercession. Parce qu'ils doivent rentrer en enfer ceux-là. Du moment qu'ils ont fait des grands péchés, ils sont devenus kuffars et ils doivent rentrer en enfer. Ça, c'est les Khawarij. Les Mu'tazila, eux, ils disent non, ils ne sont pas croyants ni mécréants. Sauf que dans l'au-delà, ils sont dans l'enfer pour l'éternité. Ils ne vont pas sortir une fois qu'ils sont rentrés. Donc, c'est ça leur aqidah, comme on l'a vu au début, dans les premiers cours. On a parlé de ce sujet-là dans la foi. Hein? Et donc, eux, ils rejettent la croyance en l'intercession. Et donc ils disent qu'une fois que quelqu'un a été promis à l'enfer, du moment qu'il a fait des grands péchés, il est destiné à l'enfer et il est menacé de l'enfer, donc il doit rentrer en enfer. Et une fois qu'il est rentré, il ne peut plus sortir. D'accord? Et donc ça c'est leur aqida à eux, ces gens-là. Et ils ont nié les hadiths qui ont été rapportés, qui sont authentiques, qui sont très très très nombreux au sujet de l'intercession. Ok? Donc, pour eux, les musulmans qui font des grands péchés sont des koufars et ils ont quitté la foi. Et ils disent que l'intercession pour eux ne sera d'aucune utilité. S'il a fait ce qu'il mérite, s'il le fait mériter l'enfer, il doit rentrer en enfer. Et c'est fini. Et une fois qu'il est rentré, il ne veut pas sortir. Le deuxième groupe, الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة وهم القبوريون والخرافيون الذين يتعلقون بالأموات ويطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم ويذبحون لهم وينظرون لهم وإذا قيل لهم هذا شرك قالوا هذا طلب للشفاعة كما قال المشركون الأولون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهم غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها من غير الله وطلبوها من الموتى والمقبورين وطلبوها أيضا لمن لا يستحقها وهم أهل الشرك والكفر بالله. Donc le cheikh il dit que le deuxième groupe c'est ceux qui ont exagéré dans l'autre sens, c'est les gens du shirk, les gens qui affirme l'intercession, mais d'une manière qui est exagérée, et ce sont les gens qui adorent les tombes, et les gens qui adorent les morts, et les gens qui croient en toutes sortes de superstitions de ce genre. Donc, ils demandent aux morts l'intercession. Hein, ils vont à la tombe des morts, ceux qu'ils considèrent être comme des hommes pieux, des saints, etc. Ils vont à leur tombe, puis ils leur demandent d'intercéder, alors qu'ils sont morts. Hein. Et ils sacrifient, ils égorgent des bêtes pour eux. Et ils font des vœux pieux pour eux, ainsi de suite. Comme si c'était ces hommes-là ces êtres-là qui sont morts qui détenaient l'intercession. Et que c'est eux qui avaient le pouvoir de l'intercession. Et bien entendu, l'intercession appartient tout entière à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kullillahi shafa'atu jami'a ». Toute l'intercession en entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qui est le maître de l'intercession et ce n'est pas à eux qu'on doit le demander. Et surtout quand on sait qu'ils sont morts. Hein? Donc ça c'est du shirk. Et quand on leur dit à eux « ça c'est shirk », eux ils disent « non, ça c'est pas shirk, ça c'est demander l'intercession ». Et ils disent donc la même chose que ce que disaient les mouchriquins à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le verset 18 dans Surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni les nuire, ni leur nuire, ni leur faire du bien, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Hein? C'est ça le shirk. Donc le shirk il dit, donc ils ont exagéré dans l'affirmation, barakallahu fika. Donc ils ont exagéré dans l'affirmation de l'intercession, et ils sont allés jusqu'à la demander à autre que Allah, parmi les morts et les gens qui sont enterrés, et il la demande même à ceux qui, pour, il la demande même pour ceux qui ne la méritent pas, c'est-à-dire il la demande pour les mushrikins, pour des gens qui font du shirk et du kufr avec Allah. Al-wasat, ahl sunnati wal jama'ata wasatu, kama hi a'adatuhum. الوسطية في كل الأمور ولله الحمد فلم ينفوا الشفاعة مطلقا كما نفتها الخوارج والمعتزلة ولم يثبتوها مطلقا كما غلا في إثباتها القبوريون والخرافيون هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة مما يجري في يوم القيامة الشفاعة ولهذا ساقها المصنف رحمه الله في جملة ما يكون في اليوم الآخر أنه يؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخر ومنه الشفاعة والشفاعة donc c'est ça. Le Cheikh dit que là, la position du juste milieu, c'est la position des gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, comme ils sont en général, comme on l'a vu depuis le début de ce livre, toujours au juste milieu, dans le juste milieu et dans la position de justice par rapport à l'opposition de l'aqidah et à la vérité. Donc, ils évitent les extrêmes dans tous les sens et ils se placent avec les textes et ils suivent la vérité. Donc, les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils n'ont pas nié complètement l'intercession comme les Khawarij et les Mu'tazila, hein, et ils ne l'ont pas affirmé d'une façon absolue et exagérée comme les Qoburiyin, les gens qui adorent les tombes, hein, qui exagèrent dans son affirmation en allant jusqu'à la demander à des morts et la demandant pour les mushrikin. Il y en a des exemples comme ça. Donc ça c'est la voix de Ahl al-Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. Et donc c'est la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a au sujet de ce qui va se passer également au jour de la résurrection en ce qui concerne la Shafa'a. Et donc le cheikh il l'a mentionné parmi les choses qui font partie de la croyance en qu'est-ce qui se passe au jour de la résurrection et que lui il croit en tout ce qui va se produire après la fin des temps, après le jour dernier, c'est-à-dire tout ce qui se passe après la mort, il a affirmé qu'il croyait en ça et parmi ces choses-là il y a l'intercession. Bon, on va s'arrêter ici inchallah aujourd'hui, puis demain on va continuer, parce que là il y a la prière de Maghrib qui va commencer. On va s'arrêter donc maintenant, puis demain on continue inchallah. On sait quoi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.